et que ma malédiction soit sur toi jusqu'au jour de la rétribution. » Seigneur, répliqua Iblis, donne-moi donc un répit jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. Tu es de ceux, dit le Seigneur, auxquels répit est accordé, jusqu'au jour du moment connu. Par ta toute puissance, dit alors Iblis, je les dévoirai tous, excepté les élus parmi tes serviteurs. Allah dit, voici la vérité. Et la vérité, je déclare, je remplirai assurément la géhenne de toi et de tous ceux qui, parmi eux, t'auront suivi. Dis, je ne vous réclame point pour cela de récompense, et je ne suis nullement un usurpateur. Cela n'est qu'un rappel adressé à tout l'univers, et vous saurez sous peu la véracité de ce qu'il vous annonce. »